Psaume 91. Celui qui se tient dans la demeure du souverain, se loge à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es ma retraite et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je m'assure. Certes il te délivrera du lac du chasseur, et de la mortalité malheureuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu auras retraite sous ses ailes, sa vérité te servira de rondage et de bouclier. Tu n'auras point peur de ce qui épouvante de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui fait le dégât en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais la destruction n'approchera point de toi. Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Car tu es ma retraite, ô Éternel, tu as établi le souverain pour ton domicile. Aucun mal ne te rencontrera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en une autre retraite, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai, et le glorifierai. Je le rassasirai de jour, et je lui ferai voir ma délivrance.